le disque qui a succédé à 21 et à Skyfall aussi, qui a été un blockbuster. Ah oui, encore, il a d'ailleurs eu l'Oscar de la meilleure chanson. Et tout était... Il faut savoir que quand maintenant Adele sort un album, les maisons de disques concurrentes sont aux aguets. C'est-à-dire que il faut surtout pas avoir de disque en face d'Adele parce qu'on va se faire rétamer. Voilà, tout simplement. Et donc, il y a des agendas qui se bloquent. Je parle des usines, mais aussi des sorties. Là, pour sortie, Taylor Swift a avancé la sortie de son album pour pas être confronté à Adele. On parle de Taylor Swift qui est aussi un blockbuster de la musique, quoi. Et comment elle le vit après, comment elle le gère, bon, je pense plutôt bien, mais parce que tout est très marketé aussi derrière. Tout est très pensé, tout est très très anticipé. Voilà, un album d'Adèle, elle en sort un tous les 5 ans, mais celui-là, il est prêt depuis, je pense, un an. Oui. Voilà. Après, il s'appelle 30 d'ailleurs, alors qu'elle en a 33 aujourd'hui. Voilà, bah en fait, elle, une fois qu'elle a fini d'avoir 30 ans, elle l'écrit, et alors, normalement, je crois qu'il devait sortir l'an dernier. Mais Covid oblige, etc. On préfère le sortir un an après, et puis fête de fin d'année, puisque ça va s'offrir à la mère de Romain, à sa petite sœur, et voilà. Dans la conseil qu'elle a spécifiquement fait ça pour la maman de Romain. Je pense. Oui. La grande question, c'est de savoir si maintenant qu'elle est chez une major, ça, elle va avoir autant de liberté qu'elle a pu en avoir quand elle était dans un gros label indépendant, hein, parce que XL Matador Beggars, c'est quand même c'est un regroupement de labels où on s'est développé des artistes parfois beaucoup plus pointus qu'Adèle. Mais là, quand vous signez chez Sony, vous vous embarquez quand même avec une maison de disques, une major qui peut décider un plan marketing pour vous. Et d'ailleurs, on a vu ces 30 affichés un peu partout dans des villes dans le monde. Oui, on se demandait d'ailleurs, moi je crois que c'était Walt Disney qui faisait de la pub un peu à droite à gauche. Non, c'était pour nous annoncer qu'il y avait un nouvel album d'Adèle. Je serais curieux de savoir si elle a eu autant de liberté artistique qu'elle a pu en avoir jusqu'à présent. Elle travaille toujours toute seule, enfin avec. Non, mais elle a un gros regard sur avec qui elle travaille, avec qui elle veut travailler. Et moi, j'ai un peu peur que ça ressemble un peu aux albums précédents, le Easy on Me, le single, la seule chose qu'on ait pu écouter pour l'instant de ce prochain disque, me rappelle quand même furieusement Hello. D'ailleurs, elle prend pas de risque, elle c'est va chercher le même producteur, ouais. Et elle va chercher le même réalisateur pour faire le clip. Je me dis, si c'est pour repasser par là où tu es passé, ça serait un peu dommage, mais ça prouve aussi que c'est difficile quand on signe avec une major de faire ce qu'on veut, quoi. Moi, j'aurais pourtant, avec une voix pareille, elle peut chanter n'importe quoi. Elle peut. Il y a toujours sur ces disques des moments presque remixables. Set Fire to the Rain, c'était une chanson qu'on pouvait entendre en remix pour l'écouter en club. Là, elle aurait pu. Elle est fan de musique hip-hop aussi. C'est une fan de Drake. Récemment, on l'a encore vu féliciter Kid Cudi à un match de basket, etc. J'ai l'impression qu'il y aura rien de ça sur ce disque, en fait. Donc la prise de risque, à mon avis, elle va être assez limitée. Tiré de l'album 30, qui va sortir cette année, voilà, pour la maman de Romain en cadeau. C'est Adèle qui a attendu patiemment. Elle a dit, moi vraiment, je veux pas rater le Noël de 2021 pour la maman de Romain Burel. Mais par contre, elle est maligne, elle le sort un peu avant Noël, donc elle n'est pas idiote. Elle sait très bien que ça va se retrouver sous les sapins. Mais en même temps, ce que j'ai remarqué en écoutant ce morceau, c'est que à la première écoute, je me suis dit, oh, c'est déjà entendu. Et en fait, le temps a passé, mais dans la même journée, et je me suis surpris

je pense que c'est une éponge de toute façon. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle tendance, elle l'examine, elle l'absorbe, elle a un côté entomologiste comme ça, et puis ensuite elle le restitue d'une manière ou d'une autre, quoi. Pour son premier album, elle avait travaillé avec Mick Ronson, enfin, qui avait lui-même Marc, pardon, qui avait travaillé avec Bowie, avec plein de gens comme ça. Et donc, en fait, elle sait toujours très très bien s'entourer. Donc c'est et puis je pense qu'elle est très très vigilante. C'est une vraie pro, quoi, tout simplement. Oui. Et donc là, 30 s'apprête à sortir. On est d'accord que au-delà même de la qualité artistique de cet album qu'on n'a pas encore entendu, ça va tout déchirer. Oui, ouais, ça va être un phénomène. D'abord, je pense que les gens vont pas vont se jeter dessus, de l'écouter de A à Z, l'examiner, passer, le disséquer pour voir dans les lyrics avec qui et comment elle règle ses comptes cette fois. Il y a des chansons au titre intrigant parce que le track listing a été dévoilé. Là, c'est vrai que c'est où elle dit je bois du vin, alors ce qui est la chose la plus anglaise effectivement du monde. Mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Elle a jamais caché ça, son côté. C'est son côté londonienne qui picole un peu, qui passe des jeudis soirs dans les pubs et qui peut-être était à commencer sa vie en étant un peu boulotte. Et ce qui me fait rire, c'est quand c'est les Français qui disent ça. Parce qu'en fait, on fait exactement la même chose. Mais ouais, alors sauf que c'est vachement mieux vu en Angleterre. C'est-à-dire qu'en fait, en France, une femme qui boira plus de 2-3 verres, on la regarderait un peu de travers. Je pense, je parle sous le contrôle de Véronique, je sais pas ce que vous. Mais quiconque a déjà fait un samedi soir ou un jeudi soir à Londres sait que en fait, voir une bande d'anglaises s'amuser entre elles, mettre leur plus belle robe lamée par un froid de canard et faire la tournée des bars tranquillement, sans être plus emmerdé que ça d'ailleurs, soit dit en passant. Ça fait partie de la culture anglaise et en tout cas, c'est une façon aussi de rencontrer quelqu'un. C'est une culture de, c'est comme ça qu'on va peut-être potentiellement trouver son âme sœur. Et c'est aussi de ça dont elle nous parle, en fait, de ses problèmes d'alcool. Elle s'en cache pas. Elle publiait sur les réseaux sociaux ses soirées endiablées avec Jennifer Lawrence dans les bars de drag queen de Californie, complètement éméchée. Voilà, non, elle se. Et italien aussi. Les vendredis soirs réservés aux sorties entre filles et entre garçons. Bah voilà, il y a qu'en France qu'on fait pas ça. Bah oui, bah Radio France c'est les mercredis midi. Je vous remercie, merci Thibaut Carayol, Véronique Chalmet, Romain Burel pour avoir été avec nous et évoquer la carrière de la chanteuse Adèle. Ce blockbuster s'achève et je tiens à vous rappeler qu'il a été réalisé par Céline Hila. Elle a été préparée par Cyril Marchand et aujourd'hui à la technique, Grégory Wallon. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag blockbusterFI. All of my friends, all of my family and Alex, thank you everyone. Thank you. Blockbuster est un podcast original de France Inter.